nous évoquions pas plus tard qu'hier à ce micro un biais majeur en éthologie, le biais anthropomorphique. C'est d'un autre biais tout aussi important dont il sera question aujourd'hui, la façon dont l'histoire des sciences occidentales ne se source peu ou prou qu'à l'Occident, en omettant systématiquement non seulement les découvertes réalisées par l'Orient ou les civilisations précolombiennes, mais en omettant par ailleurs les transferts de connaissances qui ont émaillé l'histoire des rapports entre l'Occident et l'Orient. Un exemple flagrant de cet européocentrisme dans l'histoire des premiers pas de l'astronomie, de la Chine aux Mayas en passant par la Mésopotamie. Astronomie, un regard vers le passé, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour corriger ce biais, nous allons nous appuyer sur deux livres passionnants, tous les deux édités chez Belin, 4000 ans d'astronomie chinoise, un livre de Jean-Marc Bonnet-Bidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA. Un autre livre, Astronomie du passé de Stonehenge aux pyramides Maya, c'est de Yaël Nazet cette fois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome FNRS à l'Université de Liège. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle et en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc. Ceci étant dit, ce biais de l'européocentrisme, il est particulièrement intéressant dans l'histoire de l'astronomie parce que la perception du ciel, de l'espace, est étroitement liée à la conception que les civilisations se font du monde et de la cosmogonie et donc de la mystique. Et c'est là qu'on voit toute l'importance que peut avoir ce biais au long de l'histoire des sciences, Jean-Marc Bonnet-Bidot. Oui, bien sûr. Et en même temps, il y a au-delà de la mystique, au-delà de la mythologie, des choses totalement scientifiques dans les cultures passées. Et ça, c'était paradoxalement ma propre découverte. C'est qu'un jour, je suis tombé sur un texte que j'aurais pu écrire en tant que scientifique aujourd'hui. Il était rédigé de la même façon dont nous écrivons les rapports scientifiques. Et c'était un chinois de l'an 1000. Et donc, je me suis dit, et tout d'un coup, là, c'est extraordinaire. Je me reconnaissais dans cet homme qui a écrit il y a plus de 1000 ans. Et j'ai cherché à savoir ce qu'il en était de sa culture. Et il n'y avait pratiquement rien de disponible, ce qui nous ramène à ce biais dont vous parlez. Pardon, Yaël Nazet, il faut dire que quand on parle de l'observation du ciel, il y a, alors on va le dire avec beaucoup de guillemets évidemment, mais une forme d'agenda politique, quand on commence à penser notre rapport, l'homme et la femme, l'être humain, vis-à-vis des astres, vis-à-vis des étoiles, c'est difficile d'éloigner cette conception-là et de la limiter à une stricte conception scientifique. Parce que tout simplement, souvent, les astres principaux, en tout cas, vont être assimilés à des dieux. Et donc forcément, pour asseoir son pouvoir, le dirigeant local va, d'une façon ou d'une autre, avoir une espèce de mandat céleste, hein, pour reprendre l'expression chinoise. Et donc, quelque part, c'est pas totalement... c'est complètement séparé du entre le politique, le religieux, et l'astronomique. Enfin voilà. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que justement, finalement, quelque part partout, le ciel a eu de l'importance. Le ciel a été observé. Et ça, simplement même ce fait-là, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, quand on parle des sciences aux jeunes, on leur dit pas. C'est vrai que on reviendra une fois qu'on aura fait un peu le tour de ces différentes manifestations de l'astronomie dans diverses civilisations. C'est vrai que l'astronomie que l'on apprend en Occident, on dit évidemment Ptolémée, Aristote, mais c'est essentiellement Copernic, Galilée. C'est-à-dire qu'avant Galilée, il y a quasiment rien, Jean-Marc Bonnet-Bidot. Exactement. Et même le rapport à la Grèce est une reconstruction tardive. Mmh. Elle n'était pas, par exemple, au temps de Voltaire ou de Leibniz, qui eux ont été beaucoup plus en contact avec le reste du monde. Et tout d'un coup, on a rigidifié nos sources. On s'est voulu héritier des seuls Grecs, à l'exclusion de tout autre. Et puis après, on a embrayé sur la révolution scientifique, qui est une réelle révolution qui a eu lieu en Europe, qui est l'apport majeur de l'Europe à l'astronomie. Simplement, je voulais rebondir sur une question essentielle, c'est le rapport avec le ciel et le Dieu. Ça, c'est le biais principal des Européens, parce qu'en tant que religion monothéiste, on a la référence à un Dieu. Dans beaucoup de cultures, et la première étant la chinoise, il n'y a pas de référence au dieu dans le ciel. C'est même le miroir de l'Empire céleste. Donc c'est habité par des hommes, de certaine façon, pas par des dieux. Et il y a eu un contresens essentiel qui a été fait par les jésuites, qui nous a transmis donc une mauvaise impression de cette représentation du ciel, parce qu'ils ont voulu voir dans le mot tien, qui est le mot ciel, le nom du dieu. Mais non, pas du tout. En l'occurrence, c'était un empereur céleste qui était au centre du ciel. Donc là, on a déjà une différence très très fondamentale, et dans d'autres cultures aussi, parfois il y a effectivement peut-être des notions de dieu, mais des dieux multiples, enfin des dieux un peu animistes, quelque chose qui fait effectivement force de la nature, quoi. Et c'est pas du tout la même notion qui a été développée en Europe et qui a donc fermé cette mentalité que nous avons. Yael Nasé, à ce propos-là, effectivement, parce que c'est vrai que tout de même, il y a quand même une dimension mystique très très forte. On pense par exemple aux Mayas qui associent certaines constellations à des divinités. Des planètes, par exemple. Des planètes, Vulcan, qui est Vénus, qui est la planète Vénus, pas la déesse, hein, parce que il est pas très sympa, hein, c'est pas vraiment le même style comme dieu, mais bon, voilà, donc, chacun va se faire sa représentation du ciel, va vivre avec quelque part, va l'utiliser quelquefois pour des raisons tout à fait pratiques, et c'est vrai que quelquefois c'est totalement incompatible d'une région à l'autre, mais pour nous, enfin, je veux dire, si on retourne en arrière, il faut évidemment se replacer dans leur culture. Il faut voir ce qui est intéressant. Et quelque part, moi, j'aime bien un peu la citation de Voltaire qui dit « Juge un homme par ses questions, pas par ses réponses ». Peut-être faut-il aussi dire un mot d'un autre contresens sur lequel on reviendra, c'est que on a l'impression effectivement que la science européenne s'est développée, donc effectivement, comme vous l'avez dit Jean-Marc Bonabido, via une reconstruction tardive de la source grecque, mais néanmoins qu'elle se serait développée en vase clos, qu'elle serait née de son propre génie, presque immanent. Or, c'est nier évidemment les influences, les contacts, les transferts de connaissances qui a eu lieu tout au long de l'histoire, de l'Orient vers l'Occident et de l'Occident vers l'Orient. Yael Nasé, là-dessus, peut-être. Oui, moi, c'était juste une petite parenthèse. C'est que dans cette reconstruction, il y a vraiment parfois des contresens assez, assez importants. Enfin, c'est assez amusant de voir Platon et Aristote comme les grands-pères de toute la science. Ça marche pour tout. Et puis, quelque part, on se dit, Platon va être totalement contre l'observation, puisque observer, ça ne sert à rien, puisque c'est la caverne, on voit des machins sur le fond de la caverne, mais on voit pas vraiment les trucs, il faut imaginer, et c'est là, c'est en pensant qu'on va y arriver, quoi. Et Aristote, qui lui va quand même dire, on peut observer, lui, il est contre l'expérimentation. Et donc, c'est quand même deux points qui me semblent très importants. La science moderne, sans l'observation, sans l'expérimentation, n'est pas la science moderne. Et ça ne vient pas justement des Grecs. Enfin, voilà. Ouais. Et ce qui est tout à fait le cas, l'expérimentation, l'observation, c'est ce qui va d'ailleurs distinguer précisément, Jean-Marc Bonabido, l'astronomie chinoise par ailleurs, mais toutes les astronomies ancestrales par rapport qui vont mener à des grandes découvertes. Dans le cas de la Chine, l'observation assidue du ciel sur plus de 4000 ans a donné des grandes découvertes. On peut citer la trajectoire des comètes, les explosions d'étoiles, enfin des choses qui sont essentielles encore à l'astronomie d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis intéressé, parce que on se sert encore des textes chinois aujourd'hui pour retrouver des objets dans le ciel. Alors, pour revenir sur l'influence, ce qui est le plus étonnant, je pense, finalement, c'est qu'on soit encore réticent à accepter que cette science moderne européenne se soit nourrie d'autres choses auparavant. Et ça, c'est très très préoccupant, alors que, et encore aujourd'hui même, les débats entre certains historiens des sciences sont affligeants, parce qu'on peut montrer assez facilement, comme l'a fait d'ailleurs Yael Nasé dans son livre, que effectivement Copernic a été influencé par les astronomes arabes, qu'il a même copié certaines figures. C'est avéré, mais pourtant ça n'est pas vraiment dit suffisamment clairement pour qu'on comprenne que de là on peut remonter un peu plus loin, que les Arabes ont eux-mêmes été influencés avec leur contact avec la Chine au moment des Mongols, que les Chinois ont été même influencés par les Indiens au moment des Tang, et ainsi de suite. Et on voit, on peut reconstituer une vraie histoire de l'astronomie, elle est toujours à écrire parce qu'elle ne figure pas dans les livres. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous parlons de l'astronomie du passé, de l'astronomie au passé, de l'astronomie telle que la pratiquaient les civilisations autres que la civilisation grecque et occidentale, telle qu'elle a été pratiquée par les Mayas, par les Mésopotamiens, par les Chinois, bien entendu, par les Indiens. Toutes ces différentes traces de l'astronomie et de la pratique de l'astronomie qui diffèrent énormément et qui sont absolument passionnantes à examiner. Peut-être un mot pour commencer, Yael Nasé, puisque vous êtes l'auteur d'Astronomie du passé chez Belin. Peut-être un mot pour dire quelles sont les premières traces dont nous disposons aujourd'hui qui attestent que l'homme non seulement regardait, étudiait le ciel, mais plus généralement que les êtres humains étaient intéressés par essayer de comprendre ce qu'il se passait dans la voûte céleste. Alors les premières traces, ça c'est une question très difficile, parce que forcément on n'a pas de mode d'emploi, hein. C'est vrai que quand on a l'écriture, là on a plein de blabla, on peut se dire ok on comprend, maintenant quand on arrive dans des cultures préhistoriques, c'est plus compliqué. Alors quand ce sont des orientations comme je pense au monument mégalithique par exemple, on peut se dire ok, bon là même statistiquement on peut le prouver, donc bon ok ça va, il y a des orientations particulières, ils observaient le ciel, ils faisaient des trucs quand même assez précis, ok, tout va bien. Maintenant si vous voulez remonter plus loin que, je vais dire, il y a 5000 ans d'ici, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et là, on se retrouve avec des possibilités. Vous avez des dessins sur des eaux, vous avez des fresques à Lascaux, par exemple, où certains vous disent, oui, mais ça ressemble quand même très fort, les petits points, là, à côté de la tête du taureau, ça fait vraiment les Pléiades à côté de la constellation du taureau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est difficile, quoi. On a ça aussi sur des dolmens coréens, où il y a des points, ils ont des... Oui, ça ressemble parfois, effectivement, à des cartes de constellation, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Enfin... Donc voilà, les premières traces, ce sont, avec certitude, c'est difficile. Jean-Marc Bonnebido, en Chine, on trouve des traces très très anciennes. Quelle est la certitude? On parle d'un observatoire du soleil qui a montré il y a 23 siècles. 23 000 exactement. Oui, 23 siècles. Ce avant notre ère. Oui, qui est contemporain avec d'autres restes comme Stonehenge qui était en Angleterre. Donc ce qui prouve qu'à l'époque, à ces époques-là où l'homme commence à s'installer dans la sédentarisation, il commence à construire ses observatoires. Il faut les appeler des observatoires parce que ce sont effectivement des alignements qui permettent de retrouver un fait astronomique. Et ça, c'est un questionnement. On peut l'imaginer qu'il était, on n'a pas la preuve dans Lascaux, mais imaginons-nous que, en fait, l'esprit humain n'a pas beaucoup évolué. Et maintenant, nos préoccupations sont un peu diverses, mais quand on lit certains textes du premier millénaire, on est frappé par la poésie, par le choix des mots, etc. Et ce sont des hommes qui vivent dans des conditions très précaires. Et alors, ça veut dire qu'en fait, très probablement, cette préoccupation d'abord de regarder et de voir ce qui se passait dans le ciel, elle est commune à tous les hommes depuis tout le temps. Après, qu'on n'en ait plus de traces, c'est assez naturel, puisqu'évidemment, les choses ont été ensevelies. Mais ces premiers sites mégalithiques, qui sont d'ailleurs à travers tout le monde, hein, effectivement, pas limité ni à la Chine, ni à l'Europe, nous montre bien que c'était la première fonction, c'est qu'il fallait absolument se retrouver. Et finalement, comme on n'avait pas forcément l'écriture, on notait par les pierres. On arrangeait les pierres pour qu'elles notent quelque chose. Et ça, c'est génial, parce que ça, c'est resté. Oui, il y a Elnazi à ce propos? C'est vrai que, enfin, quand on voit ce genre de choses, on se dit, ils ont pas commencé par ça, quoi. Enfin, donc, ça montre bien s'ils arrivent à faire ça, que ça fait déjà, il y a déjà une tradition avant d'observation, de se préoccuper du ciel. Donc, ça tombe pas du ciel, justement, pour le dire. Vous distinguez dans votre livre des astronomies, l'astronomie, disons, qui aurait une visée strictement mystique et une autre qui aurait une visée plus scientifique. On peut vraiment faire le distinguo? On peut vraiment se séparer en deux? Non, elles sont séparées dans le sens où j'ai d'abord voulu raconter des mythes intéressants, voir en quoi ils peuvent montrer qu'il y a déjà, même dans des histoires parfois très simples, de la connaissance astronomique qui se cache derrière. Et c'était simplement pour pouvoir séparer les histoires plutôt par thème, sur le soleil, sur la lune, sur les Pléiades par exemple, enfin ce genre de choses, du reste où là c'est plus par civilisation et là on va plus non pas dans les mythes mais vraiment plutôt dans la question, est-ce qu'ils ont observé quoi, comment, etc. quoi. Donc un côté plus pratique. Mais il est clair qu'on ne peut pas penser une culture dans un domaine très étroit. Bien sûr. Sur l'astronomie, il y a peut-être un point de départ. Si évidemment on laisse de côté l'aspect mystique, ce qu'on va faire un peu au cours de cette heure malgré tout, même s'il y aura évidemment des références, pour s'intéresser à la façon dont les êtres humains ont compris et ont commencé à mettre au point des systèmes de calcul et des systèmes de pensée extrêmement complexes, hein, on va le voir, pour comprendre ce qui se passait principalement la nuit dans le ciel, il y a tout de même une sorte d'impératif calendaire de comprendre comment le temps passe, comment mesurer le temps, Jean-Marc Bonnebido. Tout le temps. Et ça nous ramène à la sédentarisation. Il fallait cultiver. Dès qu'il a fallu cultiver, il fallait planter à une date donnée. Et il fallait planter à une date où c'est pas évident de planter. Parce qu'on calculait par différence avec le moment où le soleil était le plus puissant, qu'il allait faire croître les plantes. Donc là, c'est un calendrier. C'est tout de suite le calendrier. Alors au départ, il est sans doute assez rudimentaire. Mais assez vite, on voit que c'est c'est très pointu, c'est très très pointu. Et la Chine là-dessus, c'est une obsession. Le temps en Chine, c'est une obsession calendaire. Il faut bien se représenter que les Chinois ont fait à peu près 100 calendriers différents. Ils en ont plié 48 qu'on a gardé sur la période de 2000 ans, pendant lequel l'Europe n'a fait que deux calendriers. Donc vous voyez, pourquoi il fallait remettre à jour tout le temps. Il n'y avait pas effectivement de calcul à très très long terme, et on remettait à jour les calculs et ça marchait très très bien. Ça, c'est quelque chose d'assez passionnant, hein, si vous montrez comment ces systèmes astronomiques sont mis en compétition, hein, pour quand ils commencent à être faux, parce qu'évidemment il y a un problème que tout le monde pourra, dont tout le monde a fait l'expérience, même en étant astronome amateur, c'est qu'il y a un décalage entre les cycles solaires et les cycles lunaires. Le cycle lunaire durant 28 jours, et à un moment donné, il faut rajouter des mois pour que ça tombe juste. L'astronomie chinoise va ne cesser de réactualiser au fil du temps, en mettant en compétition des systèmes rivaux d'astronomie. Exactement. C'était la base. D'ailleurs, l'empereur qui payait le CNRS de l'époque, hein, c'est-à-dire 300-400 personnes à son service pour observer des tas de choses. Il y avait des gens qui apportaient les clepsydres, les autres qui regardaient les planètes. Et en fait, c'était pour effectivement que le calendrier soit suffisamment précis. Il faut bien voir qu'un calendrier en Chine, c'est pas le calendrier qu'on a l'habitude d'avoir, une succession de jours. Il devait être capable de prédire les éclipses. C'est-à-dire, c'était en même temps des éphémérides de la Lune et du Soleil suffisamment précises pour prédire les éclipses. Ce à quoi arrivaient très bien les Chinois, à la grande surprise des jésuites qui, quand ils sont arrivés, croyaient apporter cette connaissance ultime qui était la prédiction d'une éclipse. C'est le graal de l'astronomie, finalement. Eh bien, les Chinois le faisaient tout naturellement et sans s'en vanter. Pourquoi la Chine accorde-t-elle d'emblée autant d'importance à l'étude du ciel? Parce que si on enlève les sites mégalithiques d'il y a 23 siècles, vous faites remonter les débuts, donc il y a 4000 ans, 2000 ans avant notre ère, dès la première dynastie, il y a un vrai souci étatique, civilisationnel, de prise en compte du ciel et de prise en compte de l'étude du ciel, vraiment au niveau, là, pour le coup, très politique. Oui, je pense, parce que ça, c'est une particularité de la pensée chinoise, qui est une pensée globale, qui ne sépare pas les choses. Nous, on a l'habitude, on sépare la terre et le ciel, c'est deux choses différentes. Eux, ils voulaient en faire un tout. Alors effectivement, pour faire ce tout, ils ont travaillé pour observer et ramener dans leur culture, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette... On parlait du mandat céleste, c'est-à-dire le souverain n'était pas ni héréditaire, ni de famille, ni gagnant la bataille, il était le garant de l'harmonie du ciel et de la terre. Et donc ce souverain devait être un astronome avant tout. On l'éduquait à l'astronomie. Et par la suite, évidemment, comme c'était une science étatique, elle s'est développée, elle a conservé ses écrits, et c'est pour ça que ces sources chinoises sont absolument uniques au monde. Sur 4000 ans qu'on ait des textes, pas tout à fait 4000 ans sur les textes, mais au moins 2000 ans largement, qu'on les ait conservés et qu'on sache encore les lire, parce que c'est la même écriture, c'est absolument unique à l'échelle du globe. Yael Nazé, on fait remonter à 2000 ans, l'âge d'or de l'expansion de l'astronomie chinoise, c'est plus près de nous. C'est 8e siècle à peu près, je perds sous votre contrôle, avant notre ère. Hein. Ouais, c'est difficile de. Il n'y a pas un âge d'or, puisque finalement, à partir des Han, qui était le début de l'ère moderne, continuellement, ils ont amélioré leur astronomie. Et donc, en fait, c'est une continuation jusqu'au moment où les Juifs arrivent, où il y a une dynastie étrangère, qui est les Mandchous, qui prend le pouvoir et qui rompt cette continuité. Ensuite, après, il y a les problèmes politiques de la Chine qui fait que. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de Moyen-Âge chinois, au sens où on entend de creux. Et ils sont en continuité, et ils attirent vers eux et les Indiens et les Arabes, enfin la culture islamique, pour apprendre un peu des Chinois. Donc c'est ça qui est la particularité. On peut peut-être dire un mot d'une carte de ce qu'on estime être, ce qui est d'ailleurs la couverture de votre livre, 4000 ans d'histoire d'astronomie chinoise, Jean-Marc Bonabido, de cette carte de Dunhuang, qui date du 7e siècle, vraisemblablement, qui a été retrouvé dans ce monastère où on a découvert des quantités astronomiques, pour le coup, de documents qui nous renseignent sur la Chine. C'est extravagant, cette histoire, parce que par un bonheur extraordinaire, dans un monastère perdu dans le désert de Gobi, quelqu'un avait enterré dans une cave cachée à peu près 40 000 documents écrits en toutes les langues, et on les a retrouvés au début du 20e siècle, et ils étaient intacts. Donc on les a étudiés. Ma chance a voulu que personne n'avait étudié cette carte, alors qu'elle était relativement répertoriée, et qu'en travaillant dessus, puisqu'on avait tous les moyens, on a scanné évidemment le document, on a pu la dater, effectivement, aux alentours de l'an 650. Et alors, par un tour de l'histoire, parce que je ne pense pas que cette carte ait jamais été la première produite. Bien sûr qu'il y a eu des cartes produites en Chine et même ailleurs, mais aucune n'a pu être conservée. Question de support, question de conservation, et celle-ci est la seule qu'on ait gardée dans son intégrité. Il faut bien voir que c'est une carte complète du ciel, c'est ça qui est très important. Avec une projection particulière, qui est aussi une connaissance qu'il fallait avoir pour transformer la faire en implant. La fameuse projection de Mercator, hein, oui, voilà, qui est grosso modo. On va dire assimilée pour assimilé. Pas être trop. Voilà, mais c'est vrai, que si vous voulez. Sinocentrée, pour ne pas tomber dans le penchant inverse. Oui, oui, peut-être. Mais si vous voyez cette carte, vous la mettez en face d'un planisphère moderne où on représente la Terre, cette fois-ci, c'est les mêmes séparations. Il y a une version rectangulaire et puis deux cercles qui représentent l'épaule. C'est ça, c'est la carte chinoise, et comme ça. Alors, parlez-nous un peu de cette carte. Qu'est-ce qu'elle indique sur l'état des connaissances de cette Chine du 8e siècle ou du 7e siècle après Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'elle en dit? Vous sous-entendez, hein, parce qu'elle est faite en plusieurs couleurs, que c'est déjà une décalque de cartes qui préexistaient. Ouais, très probablement, parce que c'est un document très soigné et on voit qu'il a sans doute été recopié, puisqu'on sait qu'il contient d'ailleurs des données qui étaient autrement dans des textes et non pas dans des dessins, qui étaient des catalogues, trois catalogues différents. C'est pour ça qu'il y a trois couleurs différentes. On les a effectivement mis ensemble. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement le souci qu'avaient les Chinois d'observer le ciel, de localiser dans le ciel quand il y avait un événement particulier qui arrivait, comme une comète, une explosion d'étoiles, il fallait les localiser. Donc ils ont fait une quantité faramineuse de constellations. Et c'est là, c'est somptueux pour nous, puisqu'on a toujours été habitué à nos constellations grecques. Et là, vous avez 300 constellations dans le ciel, toutes sont nommées soigneusement sur la carte, et elles permettaient, par le seul nom de la constellation, finalement, de localiser assez précisément un événement céleste. C'était un espèce de raccourci. Et puis ensuite, après, ils ont eu les coordonnées, ils ont effectivement noté plus précisément. Mais cette carte nous dit que déjà à cette époque, ils avaient tous les moyens de repérer tout ce qu'ils voulaient dans le ciel, et c'est précisément. Parlez-nous un peu de ces constellations. Comment est-ce qu'elles s'organisent? Qu'est-ce qu'elles représentent? Là, redonnons un peu de mystique, parce que pour le coup, elles viennent constituer une forme de mythologie céleste. Bien sûr. Et alors surtout qu'elles servaient, vous savez que l'astronomie a toujours été un art divinatoire. On pourrait dire aujourd'hui aussi c'est un art divinatoire. On essaye de prédire le futur de l'univers. Donc finalement, mais dans ce cas-là, c'était un art divinatoire assez dans le présent. Et quand un événement céleste, comme on avait fait un miroir, chaque région du ciel était associée à une région de l'Empire. Et quand un événement céleste arrivait, transitoire et inattendu, on tirait un oracle. Donc les astronomes étaient chargés de tirer un oracle qui avait des conséquences politiques. Donc finalement, cette surveillance du ciel était politique aussi pour la Chine, parce que dans l'esprit des Chinois de l'époque, si quelque chose se passait dans le ciel, comme ils devaient garder l'harmonie, il fallait bien que quelque chose de correspondant se passe sur la Chine. Donc en fait, finalement, c'est là que l'astronomie devient une science politique. Et finalement, c'était des conseillers militaires aussi, ces astronomes de l'époque. Ils conseillaient l'empereur sur les choses qu'il fallait faire ou ne pas faire, qui est aussi une grande... jusqu'à Kepler, en fait, on avait aussi ça dans l'astrologie, qui était aussi astrologie-astronomie en Europe. Quelle est la place de l'empereur, justement, dans cette mystique politique de l'astronomie chinoise? Ah ben, son sort en dépendait. C'est-à-dire qu'effectivement, il pouvait être mis à bas par un phénomène céleste qu'il n'avait pas prévu, ou une éclipse qui arrivait sans qu'il l'ait prévu. D'où, effectivement, un sort qui était parfois terrible, réservé aux astronomes qui se trompaient. On cite dans la mythologie ancienne que certains ont été décapités pour avoir failli à prédire l'éclipse. C'est-à-dire, c'était quelque chose de très, très sérieux. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que c'est vraiment un truc qui a laissé converger une énergie phénoménale en Chine pour arriver à dompter, finalement, le ciel. Alors, on va parler d'un certain un nombre d'autres relevés et de la précision de ces relevés qui sont, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, très précieux aujourd'hui pour l'histoire de l'astronomie, parce qu'ils permettent de dater avec une précision incroyable un certain nombre d'événements célestes comme des supernovae ou le passage de la comète de Halley en 837. Donc tout ça est extrêmement tôt. Mais avant cela, j'aimerais qu'on dise un mot d'autres choses importantes, d'un autre élément important de cette astronomie chinoise médiévale, c'est la création de nouveaux outils pour observer le ciel, puisque comme la Chine, contrairement à d'autres civilisations, comme on le verra certainement tout à l'heure avec El Nazé, la Chine utilisait l'équateur comme repère céleste. Ils ont donc inventé un système d'observatoire équatorial, la sphère armillaire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et pour parler de la sphère armillaire, vous avez fait preuve d'une logique confondante. Vous êtes rendu au laboratoire sphère de l'Université Paris Diderot. Oui, puisque à la sphère, on trouve des historiens des sciences. Et moi, j'ai retrouvé David Morgan, qui étudie l'astronomie de la Chine ancienne. Et donc, la sphère armillaire, c'est un instrument symbolique qui a traversé les siècles. Elle permettait de repérer la position des étoiles dans le ciel. Selon les historiens, la première des sphères armillaires aurait été inventée par l'astronome Zhang En au 1er siècle avant notre ère. Alors aujourd'hui, si aucun des instruments n'a été retrouvé, heureusement, beaucoup de manuscrits ont permis de pouvoir en reconstituer pour comprendre son utilisation. La sphère armillaire dans le monde antique, en Europe aussi bien qu'en Asie, c'est vraiment iconique. On va distinguer normalement en Orient aussi bien qu'en Occident, qui avait deux usages ou deux modèles de sphère armillaire. Il y a là le modèle d'observation, dont l'utilité c'est de mesurer la position d'un objet céleste sur un axe X et Y. Et l'autre, en fait, beaucoup plus répandu dans l'histoire, c'est la sphère armillaire de démonstration, qui est un outil pédagogique pour démontrer comment, à quoi ça ressemble la sphère céleste, comment on peut imaginer que le soleil, la lune tournent autour, etc. À quoi ressemble cet instrument ? On voit qu'il y a plusieurs sphères qui sont imbriquées. Qu'est-ce qu'elles tentent de représenter ? Donc, ça s'appelle une sphère armillaire. Ça vient en latin du mot armi, qui est un cercle. Alors, l'instrument classique, la version classique chinoise, tu as d'abord une base, parce qu'il faut la mettre quelque part. Il y a un groupe d'armi fixe qui ne change pas de position. Un ami qui représente l'horizon horizontal, le méridien, qui est le grand cercle, la ligne qui commence à partir du pôle céleste, qui va tout droit dans le sud et qui revient au pôle. Donc si l'horizon découpe la sphère céleste en deux hémisphères, le méridien, qui est perpendiculaire, découpe en quatre. Aussi l'équateur. L'équateur, oui. L'équateur. À l'intérieur, tu as un deuxième groupe qui pivote, qui tourne sur les deux axes. Donc, sur ce truc-là, tu as une autre espèce de cercle de méridien qui s'appelle le collure des solstices, qui relie les deux autres cercles dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là, tu as aussi un cercle de l'équateur, qui devrait être aligné à tout temps avec le cercle de l'équateur dans le groupe fixe, et aussi un cercle, dans certains cas, d'écliptique. Et donc, ce groupe amovible, tout l'aligne avec, donc c'est des cercles gradués, c'est un mètre, mais en forme circulaire, que tu mesures à distance des choses avec. Et à l'intérieur de ça, tu as un troisième groupe, il y a une espèce de visée qui traverse la sphère et qui peut pivoter au centre. Et donc, tu vises des choses dedans. Quand tu veux mesurer en fait, la position d'une chose, tu regardes juste se trouve la visée. D'où c'est effectivement un degré, mais c'est pas une mesure d'angle, c'est une mesure de périmètre. Ça, c'est des trucs un peu drôles avec... les mathématiques et l'astronomie chinoise, c'est qu'en Occident, dans un cercle, on a 360 degrés. Et ça vient en fait de Mésopotamie, qu'ils ont utilisé un système de nombres basse 60. Ils ont découpé le cercle du ciel en 365 et un quart d'où. Donc un d'où, c'est... les distances que le soleil déplace dans une journée, et donc il y a 365 et un quart journée dans une année, et il y a autant de doux dans un cercle. Par ailleurs, le problème matériel, historique de sphère armillaire pour les historiens et pour les archéologues, c'est qu'au moins en Chine, le meilleur matériel qu'on peut utiliser pour faire une sphère armillaire, c'est le bronze. Parce que le bronze ne se déforme pas avec les temps, et tout ça, c'est plus durable que du bois, etc. On n'a juste aucun objet réel de l'époque. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lire des textes, lire des descriptions textuelles, et de regarder des images. Qu'est-ce que ça dit, cet instrument, sur la représentation qu'on avait du ciel et de la position de la Terre dans le cosmos ? L'instrument, c'était la réalisation en forme matérielle d'une théorie du ciel. Et le ciel, par contre, était une projection de l'instrument en forme abstraite. Ils étaient tous les deux liés l'un avec l'autre. Il n'y avait pas de monde sublunaire et supralunaire comme il pouvait y avoir chez les Grecs. Il y avait d'autres théories cosmologiques. Il y avait aussi des différentes versions de la théorie du ciel en sphère. Quant au monde sublunaire, ils n'ont pas vraiment posé des questions comme ça. C'était plutôt de diviser le monde entre la terre et le ciel. Donc, ce truc-là, ça a été inventé, on imagine, soit fin 2e siècle avant notre ère, soit début 1er siècle avant notre ère. Et en fait, son invention sous les Han, vers le 1er siècle avant notre ère, c'était juste la redécouverte d'une espèce de principe cosmique indéniable. Voilà le reportage sur la sphère armillaire, comme le confiait Yael Nazé pendant le reportage. C'est plus facile de le voir en image que de l'entendre à la radio, mais une sphère armillaire, on vous a mis des images évidemment sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. Ce sont ces sortes de map monde creuses avec bien des sphères intriquées, des cercles, je sais pas très bien comment le définir. Des anneaux, exactement. Le terme de sphère ne fait que parce que quand il y a plusieurs cercles, ça fait comme si ça était une sphère, mais la sphère est totalement creuse, elle n'est fait que d'anneaux. Voilà, oui. C'est ça. Un mot peut-être sur l'instrumentation et sur l'incroyable, là aussi, précision de l'instrumentation développée, parce qu'il n'y a pas que la sphère armillaire, par l'astronomie chinoise. Bah écoutez, déjà, cette sphère armillaire, donc, elle était particulière. C'est vrai qu'elle est complémentaire de ce qui était fait en Europe, enfin, à partir des Grecs, puisque c'était une sphère représentée sur l'équateur qui a donné lieu à la monture moderne des télescopes. Donc, ce qui a été inventé en Chine, c'est la monture moderne des télescopes, cette fameuse monture équatoriale, qui avait le mérite de s'aligner sur l'axe des pôles et de ne permettre de suivre le ciel en modifiant une seule coordonnée, ce qui est quand même une trouvaille. Et c'était juste lié au fait que finalement, si on veut déterminer, c'est vraiment l'antinomie, la Chine et la Grèce. La Grèce était plutôt une astronomie planétaire liée à l'écliptique, qui est le plan des planètes, et finalement, en fait, calculatoire, mathématique, géométrique. Oui. Alors que la Chine, en fait, c'est une astronomie stellaire, des étoiles, équatoriale et algébrique, puisque en fait, ils ont développé des formules algébriques pour les mouvements des planètes. Donc, en fait, ces instruments, de nouveau, on s'y retrouve. Moi, quand je regarde l'instrument du Guo Shujing, qui était celui qu'on a conservé, qui date des Yuan, et qui donc date du 13e siècle, qui est un instrument authentique, et bien évidemment, je mettrais moi maintenant une petite lunette sur l'axe, parce qu'à l'époque, évidemment, on observait à l'œil nu, on mettrait une petite lunette, une lentille, ben ça fait un télescope moderne. Donc de nouveau, cette espèce de surprise de se retrouver devant l'instrument que l'on connaît. Et pourtant, il a été inventé au 13e siècle. Yael Nazé, sur l'instrumentation chinoise, on parle de la sphère armillaire, on pourrait parler des gnomons notamment, où il y a d'autres types d'instrumentation. Oui, l'idée évidemment, notamment avec les gnomons géants, c'est d'avoir une grande précision. Et c'est impressionnant de voir finalement le gnomon, c'est quelque chose d'assez simple, c'est le cadran solaire. Quoi, voilà, hein, voilà bon. C'est le cadran solaire. On plante un bâton et puis on regarde, on a l'ombre qui bouge au fil de la journée. Bon, maintenant vous pouvez, rendre ça un petit peu plus sophistiqué. Et ce qui est intéressant, c'est de nouveau le gnomon va être utilisé un peu partout. On retrouve ça, je veux dire, c'est un moyen assez simple finalement de repérer l'heure. Mais les Chinois vont justement faire ça de manière, enfin je veux dire, en grand quoi, comme tout ce qui est au niveau astronomie, en grand. Et bon, on arrive à des trucs extraordinaires. Et les grands instruments, finalement, on va retrouver ça plus tard, chez les Arabes par exemple, au Moyen-Âge, les différents instruments comme à Samarcande, par exemple, ou à Maraga. Et puis, on va avoir chez nous, hein, Tycho Brahe et les autres, qui vont commencer à se dire, peut-être qu'en faisant plus grand, ça ira mieux. Mais beaucoup plus tard. Rameau, il en reste encore de très, très beaux qu'on peut aller visiter si on va en Chine. Bien sûr. Donc, ce dont parle Yael Nazé, qui est ce gnomon géant qui a été fait aussi au période des Yuan, est toujours existant. Il a été un peu rénové, mais il est toujours existant. C'est une table de 33 mètres de long avec une hauteur de 20 mètres. Et ça a permis à l'astronome qui l'a inventé de mesurer la longueur de l'année à 23 secondes près, c'est-à-dire une précision extraordinaire, évidemment due au gigantisme de l'instrument. Et ce qui est intéressant quand même à signaler, c'est que ça nous pose là une des plus intéressantes questions de l'histoire des sciences et de l'astronomie. C'est qu'à la même époque, comme le signale Yael Nazé, il y avait aussi, puisque c'était sous la période des Mongols, en Iran, en Perse, à Tabriz, près de Tabriz, l'observatoire de Maraga, où aussi on a fait des instruments géants. Et on se demande qui a influencé l'autre finalement. Donc c'est très intéressant comme question. Nicolas Martin. Are there patterns in our skies? Are patterns only Constellation de Darwin, 10h sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de l'astronomie au passé, de l'astronomie dans les différentes civilisations jusqu'à aujourd'hui. Nous en parlons avec Jean-Marc Bonnet-Bideau, qui est astrophysicien au CEA, qui signe 4000 ans, et non pas 40 000, ça fait un peu beaucoup, 4000 ans d'astronomie chinoise des officiers célestes, c'est aux éditions Belin, et avec Yaël Nazé, qui a elle signé Astronomie du passé au pluriel, Astronomie de Stonehenge aux pyramides de Maya, toujours chez Belin. Alors on va sortir d'Asie quelques instants, mais vous allez voir qu'on va vite y retourner. Direction, pour commencer, peut-être Babylone et la Mésopotamie. Yaël Nazé, pourquoi c'est intéressant parce qu'on est vraiment, là pour le coup, à l'interface entre l'Orient et l'Occident. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il y a là-bas une activité très importante qui quelque part nous a fortement influencé, puisque bon, quand on parle des constellations grecques, elles sont pas si grecques que ça en fait. Hein. Elles viennent en grande partie de la Mésopotamie, et on va retrouver beaucoup de choses qu'on retrouvera après dans l'astronomie grecque, comme ce focus sur les planètes, comment prédire au mieux finalement où se trouveront les planètes, ce qu'elles vont faire. Est-ce qu'on va faire des demi-tours, tout ce comportement parfois un petit peu étrange, la Mésopotamie va s'y intéresser très tôt. Et là, on a effectivement, on parlait de la Chine, tout un continuum hein, de modèles et ce genre de choses. On voit bien la suite. Ben là, on a pu parler quand même d'un âge d'or parce que quelques siècles avant notre ère, ils vont vraiment arriver à des super modèles qui fonctionnent très très bien. Et puis modèle planétaire pour le coup. Modèle planétaire. Oui. Là, vraiment, c'est vraiment savoir ce que, enfin, planétaire au sens large, donc en incluant le Soleil et la Lune. Donc savoir quand est-ce qu'il va y avoir une éclipse, savoir quand va se produire la pleine Lune, quand est-ce que Mars va faire demi-tour, où exactement. Ils vont réussir à prédire tout ça. Alors au départ, c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Hein. Il y a des raisons politiques derrière, vu qu'on avait une espèce d'astrologie d'État pour essayer de savoir ce qui allait se produire en Mésopotamie. On regardait un peu les messages, entre guillemets, de ces différentes planètes dieux en fonction de la constellation dans laquelle elles se trouvaient. Et puis, on se retrouve deux, trois siècles avant notre ère, on a des modèles qui marchent super bien, il n'y a plus de messages, vu qu'on sait prédire ce qu'ils vont faire. Alors c'est assez intéressant parce que, quelque part, on a alors un changement. On ne va plus faire d'astrologie d'État, on va plus faire des horoscopes en utilisant justement les mouvements qu'on va prédire. Donc on va passer. Enfin, je veux dire, le côté mystique va basculer, puisqu'il n'y a plus de mouvements aléatoires, plus de mouvements inattendus. Et c'est aussi intéressant de voir ce changement-là. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est de voir quelque part exactement la même chose, sauf que ce n'est pas sur l'équateur, mais sur l'écliptique. Mm-hmm. Mais on va avoir la même chose, on va choisir des constellations, on va choisir un système de coordonnées, mm-hmm. on va essayer de temporellement aussi pouvoir bien noter tout et pouvoir faire des modèles très précis. Et en déployant, et c'est ça qui est très intéressant aussi chez les Babyloniens, enfin en Mésopotamie, en déployant une arithmétique, un système de trigonométrie, une géométrie, enfin il y a vraiment tout ça est appuyé sur un système mathématique très développé. Alors principalement là aussi des modèles un peu comme chez les Mayas, un peu comme chez les Chinois, donc des modèles qui vont être arithmétiques et pas vraiment géométriques justement. Donc ça c'est un peu la spécificité quelque part des Grecs, c'est qu'eux vont penser en termes de géométrie surtout, tandis que les autres vont surtout penser en termes de formules quoi, d'arithmétique, même si parfois, la géométrie n'est pas trop loin, on a pu montrer justement que en Mésopotamie, ils utilisaient quelque part on peut dire c'est de l'intégration, hein, donc des aires, des mesures d'aires pour pouvoir mesurer où se trouve Jupiter en fonction de l'année, en fonction de son mouvement et ce genre de choses. Donc des méthodes quand même parfois très évoluées et très précises. Et ce qui est marrant, c'est de voir un peu quelqu'un comme Hipparque qui va, connaissant justement les modèles mésopotamiens, va se dire « Mais attends, mais les Grecs, mais on est nuls, quoi !» On n'arrive nulle part. Enfin, je veux dire, avec leur petite sphère, c'était bien joli, mais on n'arrive pas. Et alors là, lui va essayer quelque part en voyant, en se disant, mais les autres sont précis. Ben pourquoi nous, on ne saurait pas. Et c'est marrant de voir que finalement, il y a eu, quand on parle de Ptolémée, successeur d'Hipparque, il y a une forte influence de ce qui est fait en Mésopotamie parce qu'ils sont précis et qu'à l'époque en Grèce ils sont pas du tout précis. Donc c'est marrant de voir aussi la filiation. Il y a cette filiation dans ce sens-là vers l'Occident, mais on y reviendra plus tard. Moi ce qui m'intéresse c'est cette filiation entre la Mésopotamie et la Chine, il y a l'Inde et vous faites dans votre livre Yaël Nazé une sorte de réhabilitation de l'astronomie indienne qu'on a longtemps cru dépendante ou en tout cas ayant importé une astronomie qui de Mésopotamie d'Asie, de Chine ou de Grèce avec aussi, Alexandre. Avec Alexandre. Or, vous dites pas du tout, il y a des traces d'une astronomie indienne développée proprement par l'Inde. Oui, la question est de savoir jusqu'où, en fait. C'est-à-dire qu'on a des traces d'activité astronomique. Alors, les textes sont beaucoup moins faciles qu'en Chine, où là, c'est beaucoup plus clair. C'est des textes souvent un peu cryptiques, des hymnes, où il faut essayer de savoir exactement de quoi ils parlaient. C'est pas toujours évident. Mais manifestement, ils ont eux aussi développé des modèles arithmétiques. Et bon, quelque part, il y a une résonance avec les voisins. Enfin, ils sont pas juste à côté, mais pas loin. Et donc, on se dit à un moment, bon ben voilà, ils développent le même genre de choses. Ils ont les gars d'un côté mésopotamien, qui font le même style de truc. Ils ont d'autre côté les Chinois, qui font aussi le même style de truc. Donc, on se dit qu'il y a là-bas une filiation. Alors maintenant, le problème est de savoir exactement, de pouvoir quantifier dans quel sens ont lieu les échanges, qui influence qui. Enfin, moi, j'aurais tendance à prendre un compromis à la belge, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, que quelque part, quand les gens se rencontrent, ben, chacun repart avec quelque chose d'intéressant. Et ce n'est pas une influence qui ne va que dans un sens. Jean-Marc Bonnet-Bidé, oui. Oui, bien sûr, c'est très important. En Chine, cette période qui est le début des Tang, où le bouddhisme devient vraiment une religion d'État. Enfin, pour moi, c'est une philosophie plus qu'une religion. On est à quelle époque? Le début des Tang, c'est 600, l'an 600. Ça commence en l'an 608. Et donc là, on a la preuve que l'astronomie indienne va influencer l'astronomie chinoise par le biais d'un scientifique qui est disparu à cette époque, mais il s'appelle Aryabhata, qui est un très très bon mathématicien, qui est notamment l'inventeur de la fonction sinus qu'il a tabulé, donc on a quand même des traces. Et c'est importé en Chine, et comme toujours en Chine, c'est amalgamé, c'est assimilé, c'est-à-dire qu'on va créer un bureau d'astronomie indienne qui va participer, notamment ils feront une mesure de méridienne en Chine presque plus de 1000 ans avant l'Europe, en fait, près de 1000 ans avant l'Europe. Et c'est sous l'influence de ces astronomes indiens, dont on a les noms, l'astronome indien dont on parle, il s'appelle Yi Xing, qui a créé cette méridienne. Et donc c'est forcément à cette époque-là une influence de mathématiques principales, parce qu'on ne voit pas forcément, par exemple en termes de constellations, de choses comme ça, ça a été déjà établi en Chine, mais ils ont assimilé en Chine ces connaissances, ce début de trigonométrie. Oui. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans un autre livre qui n'a rien à voir, qui parle d'art, en fait, d'art et d'astronomie, il y a une œuvre qui est très amusante, qui se trouve au British Museum, et qui montre, donc qui est une œuvre au départ chinoise, mais qui montre une forte influence indienne, et qui est, c'est un Bouddha un peu particulier, Bouddha de la lumière, enfin bon, bref. Et c'est un Bouddha qui est sur un char entouré des planètes. Et c'est assez amusant parce qu'il est représenté sur son char parce que c'était l'empereur du ciel qui était dans son chariot, donc là qui est pour le coup quelque chose qui est totalement lié à la Chine. Le problème c'est que côté indien, on assimilait plus Bouddha au soleil, alors bon, il fallait un petit peu réconcilier les deux, donc du coup on a un amalgame dans cette œuvre très amusant. Oui, voilà, où on a le chariot chinois et puis on a mis les planètes autour, et puis c'est assez amusant de voir ce lien entre les deux. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de voir que bon, finalement, ben voilà, Aryabhata avec son sinus et tout ça, ben nous, nos chiffres qu'on dit arabes viennent en fait d'Inde, et donc on voit que ça part dans un sens, ça revient, il y a des interactions tout le temps quelque part. Comment situer justement dans ce flot incessant d'interactions et d'échanges, de transferts de connaissances entre l'Orient et l'Occident, l'astronomie arabo-musulmane, parce que là aussi c'est mettre un grand tout sur une réalité géopolitique qui a été très diverse sur cette période aussi vaste qui va de quelques siècles avant notre ère jusqu'à presque au début du XXe siècle. Oui, disons que pour l'astronomie arabo-musulmane, on part quand même de l'Égypte, jusque typiquement au bon, 15e siècle. Donc, dans cette période-là, ce qui est assez amusant, c'est que justement, il va y avoir vraiment des phases d'assimilation. C'est assez rigolo de voir que des chrétiens nestoriens qui vont, pour cause d'hérésie, devoir partir de l'Europe chrétienne et qui vont reculer vers l'Est, qui vont se retrouver dans la zone d'influence arabe, qui vont se dire, ah ben tiens, ils ont des trucs intéressants. Parce qu'eux ont pris avec eux leur livre grec, et donc ils reviennent avec justement les grands manuels grecs, Ptolémée, etc. Donc du coup ils assimilent, et puis de l'autre côté on a les arabo-musulmans qui vont continuer, qui vont aller conquérir l'Inde, et bien là aussi ils se rendent compte, tiens, il y a le sinus, c'est intéressant, et alors ils reprennent les chiffres, ils reprennent le sinus, ils inventent le cosinus, ils inventent des autres fonctions trigonométriques et ils ramènent, enfin je veux dire, il y a vraiment des échanges incessants, même si c'est vrai que ça va pas être développé partout de la même façon. façon. Bon, il est clair que la zone aux alentours de l'Iran est beaucoup plus intéressante, Iran-Irak, quoi, c'est beaucoup plus intéressant au niveau astronomique que l'Andalousie, par exemple. Voilà, oui. C'est beaucoup plus intéressant que la zone Andalousie, par exemple. Mais néanmoins, il y a des discussions partout. Et ce genre de discussions, voilà, ce qui est très comique, c'est qu'il y a certaines des discussions qu'on va retrouver presque mot pour mot chez Copernic, quoi, parce que c'est justement les critiques des modèles de Ptolémée, bah, on va les retrouver partout. La valeur fondamentale, c'est que c'est cette époque charnière et cette civilisation charnière qui a permis finalement le développement. Vous savez, on dit toujours, nous sommes jugés chez les épaules des géants, c'est pour ça qu'on peut voir plus loin. C'est vraiment cette charnière, parce que Copernic n'a fait qu'à rajouter, c'est la chose importante de déplacer finalement le soleil au centre, mais toute la critique des textes anciens, notamment grecs, mais aussi amalgamant des tas de traditions, a été faite sur un travail très très long, puisque sur plusieurs centaines d'années, par ces astronomes, notamment persans, puisque effectivement ce sont eux, et ils ont écrit des choses mais remarquables, parce que remarquablement claires, pour avoir compris et décodé des textes qui auparavant étaient en grec, donc ils ne connaissaient pas vraiment le grec, ils ont dû apprendre le grec, le traduire en arabe et après discuter entre eux, et finalement ils sortent de tout ça une clarté évidente, que c'est que ça ne peut pas fonctionner du tout, quoi. Et ils livrent ça gratuitement à toute l'Europe finalement, parce qu'après évidemment l'essor de l'islam s'arrêtant, la civilisation islamique ne pourra pas continuer son développement. Et donc, c'est cette question de relais, c'est une course de relais, comme ça, l'histoire de l'astronomie. Et ce qui est dommage, c'est qu'on va les présenter très souvent, quand on en parle dans des cours, on va avoir un peu l'idée d'une bibliothèque, quoi. Bon, les Grecs mettent leur... Le traducteur. Voilà, on va prendre les bouquins, on les met au Moyen-Orient, au frigo pendant 1000 ans, et puis on les récupère, quoi. Mais bon, attendez, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, quoi. Si on parle de Copernic, c'est intéressant, alors j'arrive plus, mais vous allez me rafraîchir la mémoire, Yael Nazé, j'arrive plus à remettre le doigt dessus, mais il y a bien une civilisation qui a l'intuition d'un modèle géo-héliocentrique. Il y a en fait en Inde pas mal de discussions sur différentes choses. Alors on a Aryabhata qui quelque part probablement reprend Aristarque, donc en ayant un soleil au centre, mais il y a des discussions et on va arriver à des modèles géo-héliocentriques. C'est-à-dire, redites-nous ce que c'est qu'un modèle géo-héliocentrique en deux mots. C'est un mélange, quoi. C'est-à-dire qu'on garde la Terre au centre, mais toutes les autres planètes vont tourner autour du Soleil. Donc le Soleil tourne autour de la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc c'est une espèce de compromis, c'est le compromis de Tycho Brahe. Et donc voilà, c'est un peu un intermédiaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, là aussi, après des discussions, on se dit, il doit y avoir quand même quelque chose de particulier. Et c'est vrai que avec des planètes qui tournent autour du Soleil, ça simplifie quand même énormément de choses. Et donc bon, quelque part, ces gars en Inde vont se dire, finalement, c'est quand même pas une mauvaise solution, quoi. Alors ils n'osent pas mettre le soleil au centre, comme Aryabhata qui avait eu quand même quelques petits ennuis. Donc bon, c'est vrai que, ok, on va pas mettre le soleil au centre, mais dynamiquement, quelque part, ça ne change rien au niveau observationnel, c'est pareil. Et on se dit, finalement, ils trouvent un bon compromis, quoi. Jean-Marc Bonamido. Oui, ce qu'il faut signaler, c'est qu'en Inde, sans doute qu'ils ont été trahis par le manque de conservation des textes. Vous savez qu'ils écrivaient leurs textes sur des feuilles de palmier qui se sont détruites. On a très très peu de textes Aryabhata, et c'est c'est très très dommage. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à reconstruire, mais très probablement, vu la culture que représente l'Inde, ils avaient effectivement beaucoup de discussions en termes astronomiques. Ce qui nous ramène d'ailleurs aux Grecs, parce que nous, notre roman historique qu'on a fait sur les Grecs est basé sur rien. Sur des textes, par exemple, le texte de Ptolémée, c'est une copie du 9e siècle. Moi, je n'arrive pas à croire que c'est le document original. Il a été complété, etc. Donc finalement, nous, on a fait de ces Grecs énormément de sources d'inspiration avec des textes qui sont frelatés. Enfin, je pense qu'ils sont frelatés. Moi, je n'arrive pas à croire qu'Aristote écrivait comme on nous le traduit aujourd'hui. On croit que c'est le copain d'à côté sur la table de café, quoi. Donc déjà, au sens de la traduction pure, c'est-à-dire que signifie le terme grec qui aurait pu être trouvé, jamais dans les textes anciens, on arrive à faire une phrase avec une syntaxe moderne. C'est pas possible. Il faut la reconstruire. Si on l'a construit, il faut le dire. Et donc finalement, je trouve ça injuste, notamment aussi pour l'Égypte ancienne, puisqu'on a le même problème pour l'Égypte ancienne, le manque presque total de textes, alors qu'on sait très bien, et il en reste quelques-uns, comme le papyrus de Rhind, qui nous explique des choses somptueuses de la mathématique égyptienne. Donc si finalement, l'aura de des civilisations sont liées quand même beaucoup au reste qu'on a pu retrouver, et parfois c'est injuste, je pense. Oui. Un mot peut-être, alors, faire un tout petit détour, mais un crochet rapide, parce qu'on arrive dans les 10 dernières minutes de cette émission, sur, pour le coup, un cas à part parce que isolé, mais un cas extrêmement intéressant parce qu'extrêmement complexe, extrêmement complet, c'est celui des Mayas. Oui, ce qui est très amusant, c'est que bon, on peut faire évidemment le même trucs qu'un peu partout, hein, regarder les monuments mayas et ce genre de choses, se dire qu'il y en a certains qui sont alignés, machin, tout ça. Enfin bon, voilà, ça c'est classique quelque part. On retrouve une importance quasiment comparable à celle de la Chine sur l'étude, l'importance du ciel, de l'observation des astres. Ce qui est assez amusant, c'est que... Enfin, amusant... Oui, c'est triste, quelque part c'est triste, mais c'est un peu plus sanglant. C'est-à-dire qu'on a, il nous reste 4 livres mayas. Et ce qui est assez particulier, c'est que ces 4 livres nous parlent d'astronomie. Alors on n'en a plus que 4 parce que, disons que nous avons un peu brûlé les livres mayas quand nous sommes arrivés. Ce qui est très dommage parce que justement, du coup, on a perdu tout le processus de construction. On se retrouve avec des textes qui sont pas de l'âge d'or, justement, de la civilisation maya, mais de la fin de la civilisation. C'est-à-dire quelle période ? Donc là, c'est typiquement 14e, 15e, hein, c'est quand même assez tard, finalement, par rapport à l'âge d'or qui est plutôt au 9e, 10e siècle. Et là, on se retrouve avec des modèles qui sont complets, qui sont précis, alors qu'il n'y a pas de décimal, il y a le zéro, mais il n'y a pas de décimal. On arrive quand même avec des systèmes de correction à avoir des précisions de l'ordre de quelques minutes sur la période de Vénus, qui est quand même de presque 600 jours. Et là, on se dit, mais attends, pour arriver à des modèles comme ça, aussi précis, ça suppose énormément de choses, non seulement d'observation, de travail préliminaire, enfin, énormément de calculs. Énormément c'est pas le truc qu'on va sortir en un jour, quoi. Et le problème, c'est que c'est très difficile. On se rend compte qu'il y a un intérêt, là, dans cette civilisation pour l'astronomie. On peut reconstruire, on trouve des choses vraiment importantes, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tout le cheminement. Et là, heureusement, il y a quelques années, on a eu cette découverte à Xultun, au Guatemala, où on a trouvé, un peu par hasard, quelque part, hein, en creusant dans une des maisons qui se trouvait là, maison maya, on voit sur le mur apparaître, en fin de campagne de fouilles, des symboles. On se dit, mais attends, ça commence à ressembler vachement à ce qu'il y a dans les codex, là, dans nos 4 fameux codex, les 4 seuls qui nous restent. Et on se dit, mais attends, c'est les premiers pas. On commence à voir qu'il y a effectivement une filiation. Alors bon, les peintures n'ont pas toujours super bien résisté, on n'a pas tout le mode d'emploi, c'est peut-être juste quelques données. Mais voilà, donc je crois qu'il reste encore énormément à faire quand même sur les Mayas. Et puis en sachant peut-être aussi dire qu'en un mot, qu'il y a certainement eu les mêmes échanges avec les civilisations antérieures, les Olmecs, Teotihuacan. Alors avec les Olmecs, c'est certain. Oui, là on sait qu'il y a eu des échanges, parce que notamment en astronomie, il y a des choses qui sont clairement héritées des Olmecs. Il y a eu des échanges vers le nord aussi. Ce qu'on montre, c'est qu'au niveau des peuplades, notamment amérindiennes, il y a des influences. Enfin, on les appelle mayas, mais quelque part, c'est pas mayas. C'est probablement que c'est simplement les mêmes peuplades qui, l'une a été vers le bas, l'une vers le sud, l'autre vers le nord, et puis ils ont continué à échanger. Mais donc, il y a eu de la diffusion aussi, au niveau américain. Le seul problème, c'est que, par exemple, si vous prenez l'Amérique du Nord, les peuplades amérindiennes ont très peu conservé au niveau monument, on a quelques trucs, mais je veux dire, au niveau écriture, on n'a quasiment rien. On n'a pas beaucoup de documents, donc c'est difficile. On a beaucoup de culture orale, qui malheureusement, forcément, quand on y est allé avec nos gros sabots, on a un peu saccagé les choses. Et donc, retrouver la culture orale, c'est un peu difficile. Mais donc, voilà, on voit qu'il y a aussi une sphère d'influence. Beaucoup moins probablement avec l'Amérique du Sud, les Incas, qui développent, eux, une astronomie qui est quand même probablement assez différente. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. J'aimerais qu'on revienne, qu'on reboucle la boucle, qu'on arrive, peut-être qu'on reboucle sur le présent. Et en revenant à la Chine, puisque vous demandez, je trouve que cette question-là est assez passionnante, Jean-Marc Bonabido, pourquoi ces modèles scientifiques que vous avez décrits, dont on vient de parler tout au long de cette heure, qui se sont étalés sur des millénaires, qui, à ce point de rigueur, de précision, d'efficacité, pourquoi ils n'ont pas fait émerger de sciences plus théoriques ? Oui, c'est une vraie, vraie question qui reste en suspens, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que la Chine a vraiment vécu des moments politiques très compliqués. Donc, on parlait tout à l'heure, au début de l'émission, de la rupture avec une civilisation non purement chinoise, qui était les Mandchous, qui sont arrivés, donc qui ont fini le règne de la dynastie. Ensuite, les invasions européennes, les guerres de l'opium, etc. Si bien qu'on ne sait pas dire, finalement, et c'est maintenant qu'on peut se poser la question, si la culture chinoise est capable de prendre à son compte la science moderne, la structure de la science moderne. Moi, je pense totalement que oui. D'ailleurs, leur première réalisation spectaculaire actuelle, bien qu'elle soit basée sur une éducation en partie européenne pour le coup, parce que l'astrophysique est un petit peu enseignée de la même façon. Mais je pense que leur regard sur le ciel, et notamment leur pensée, qui est quand même radicalement opposée à la nôtre. Nous sommes des cartésiens, des analytiques, des réductionnistes. Pour comprendre quelque chose, on le met en morceaux. Les Chinois, c'est pas du tout ça. Ils voient toujours dans la globalité. Et je pense que, y compris dans la physique moderne, devant les grands enjeux que nous avons de comprendre, par exemple, le comportement de la matière dans ce qu'on appelle le monde quantique, ils peuvent apporter des choses. D'ailleurs, ça a été même souligné par les premiers physiciens quantiques qui se sont alimentés à l'image du yin et du yang pour faire comprendre que la mécanique quantique donnait deux visions d'une même réalité. Et donc, je pense que là, ils vont être vraiment très, très forts pour apporter quelque chose de nouveau, puisque là, il me semble que l'Europe, avec son système de pensée très organisé, très rationnel, arrive à des murs. Enfin, on ne comprend plus notre propre physique. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, des physiciens commencent à s'évader. On invente une matière noire, une énergie noire. Enfin, on fait du roman, quoi. Et donc, si vous voulez, ça veut dire... On complète les modèles théoriques. Oui, on essaye. Avec des outils avec qui... Il y a quelque chose qui pêche à la base. Et donc, oui. Là, je pense que c'est un champ tout à fait intéressant. Que va devenir la science moderne? Je pense que la Chine y jouera un rôle, forcément. Yann Nazé, votre opinion sur ce sujet? Je crois que c'est justement, on gagnerait à avoir un peu plus de généralité et de pluralité d'opinion sur beaucoup de sujets, parce que c'est vrai que quand on voit les dogmes, c'est assez amusant finalement, parce que ça soit en cosmologie ou même dans mon domaine les étoiles massives, quoi, c'est assez rigolo de se rendre compte que il y a des modes clairement, et alors quand vous voulez aller contre ces modes, parce que bêtement, enfin je veux dire, moi je suis observateur, et donc bon, en tant qu'observatrice, je vais dire qu'est-ce que je fais, j'observe, et puis voilà, mes étoiles elles me disent ça, voilà, elles font ça, alors je peux essayer de les interpréter, mais ça marche pas très bien, machin. Et si ça va contre le courant dominant, c'est hyper mal accueilli, quoi. Et c'est très difficile d'aller contre. Alors bon, voilà, on se rend bien compte, effectivement, qu'il y a des problèmes un peu aux entournures, un peu à gauche et à droite. Et essayer de penser out of the box, en dehors de la boîte. En dehors de la boîte et en dehors de notre habitude, ça peut aider. Et bon, je crois que, voilà, certes, il peut y avoir des échanges civilisationnels, mais je crois que bêtement, peut-être aussi, en dehors de la culture scientifique, parfois, regarder un beau tableau ou écouter une bonne musique, ça peut donner une idée, en se disant, ah, tiens, ouais, super, c'est ça ma solution. Jean-Marc Bonabino. Oui, bien sûr, je pense que ça, c'est amusant qu'on ait tous les deux ce regard sur le passé, mais finalement pour nourrir notre métier actuel, c'est parce qu'effectivement, voir le passé, voir les différentes cultures, c'est ouvrir ses horizons, avoir d'autres idées. Et je pense que notre culture européenne est trop fermée sur elle-même, donc je suis tout à fait d'accord avec Yann Nazé que c'est effectivement ça qu'on essaye de briser. Quoi. En tout cas, dans le domaine du spatial, la Chine a considérablement rattrapé le retard qu'elle a pu avoir depuis les années 60. On en a parlé longuement autour de cette table et on en reparlera. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de vos deux ouvrages passionnants sur ces astronomies du passé. C'est le titre de votre livre, Yael Nazé, Astronomie du passé de Stonehenge aux pyramides Maya. 4000 ans d'astronomie chinoise, les officiers célestes, Jean-Marc Bonabido. Les deux livres sont aux éditions Belin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au cours de cette heure. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Sarah Hijmans, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Elisabeth Miro à la réalisation. Florent Bujon à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, les 70 ans d'Israël, les bougies du désenchantement, une série d'Alain Lefkovitch et d'Assia Khalid. Tout à l'heure, après le journal de 18h, dans Du Grain à Moudre, Hervé Gardet demandera à ses invités Israël-Palestine, est-ce que c'est un conflit sans limite? Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons robotique et cybernétique, puisqu'il sera question de la difficile genèse des muscles synthétiques. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.